Joaquin Boss, le Cashman. Libéré, libéré, libéré, libéré. Bolingo pe motema na maboka ngela na tatia boloko. Libéré. Antiron po na ba voleur. Yabino kaka po chéri na ma di mate. Moto kuta na te. Hello man, Weston Mukendi. Mon cœur est emprisonné. Le vieux chef Cassien Mana est champignon. Enchanté pour ça, c'est une palade au papa, maman. Tu vois, y'a sa dame, c'est n'est pas mieux. Respire, y'a ma chérie, la y'a pas comité, pika. Si Mana qui vaut, qui passionnel, son qui vaut. My cats. So keep up with the devil, whoever keep a domestic. Falling like it could sing my way. No, well, I'm a ding. Babota, the moon's on the day. So, Baluka, Kobali, Samoa, sing. Alicia, Puma, Mongo, Jalupe, ma. Quand tu danses mieux que Shakira, c'est vrai. Bloqué ton aïe, plus mobile que toi à penser. On le voit comme une nana, ni fait dire les rassos. Mystique, et puis les amis, chez ça, oh, et ça, lycéen. Digo, va combat l'invisible, Jacques Guimouli, Jimmy Kalumbo. Chargillo, Charles, tu vois, moi, Jerry Vonzele. Alain, quoi, l'excellence, c'est Christo, Asina, Sasa. Serge, Cassandra, les compatriarches, les mérites. Amoureux d'une nana trop surveillée. A tant que tu la macala, ça la gana toi y'a visé. Tantôt ma bana, codi, tomaka, dozo, moi bana, oui. A son matadi, pato, tubi, son goût, papingana. Colli, villa, miki, na luna. Léo, kaniki, la dimbaki, alo, chabani. Wabi, ma paya, mami, et salapa, mamana, jose. Pétrole, la monayata, la molili, mal. le respect pour moi. Pour moi, ils ont acquis. Banne conno mi bali, babele la na moibi. C'est comme si un jour est toqué. Pour qu'on me la bangote. Jour à mon abe ta main. Loco la gnoka. Ton amour na nini. Nawa. Ingrid et bête. Quelle que soit la durée. Un jour à mon di matata. Ma jolie à la magie, Vasimba. J'ai l'esprit de la camajo. Et n'a pas ma frère, ma yemba. N'a pas ma bête à ou papa. C'est comme un séni. Qui chère, ben à ton yo, maman. On est ma couche à dolé. C'est maman, c'est à l'homme. C'est maman, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, mon général Olenga, le supérieur. Okuti Kondo, Mekesson, Mekesson. Peter Pan, le ministre colombien. Rika Berma, Alfred Borio. Blaise Genda, Chico Chikombe, Edi Langa. Tonton Toto, José Mwete. Oh, le vieux Mao Pécho, le rassembleur. Alfonso Tan, Destin et Molo. Tati Bilolo. Magistrat Chamala, Chai Mandombo, Eli Mangala, Sandrine Kalema Kalems, Jacques Decoq, Eva Katanga, Maître Alain Balak, Pacho Badete, Jean-Manou Bindos, Jam Jam Jam Jam, Jamoul, Wama Bimokonzi, Maître Michel Mandila, le défenseur du droit commun, Lugala Mumbata, Toumama Sikini, le grand bailleur de fonds. Yolène, Sévé, la sultane, Dr. Moussa Nougou, Albert Mayouli. Faut écouter la nani Michokalala, colonel Akiano. Un papi Chonian, le miraculeux, le petit chéri. Kata kata ma papou en a dit. Et Somayaka de Badol. Koumana Moukoulou, service spécial. Kadi Kadi Maï, 10 040. Mami Botamba, Pati Bokamba, Nando Batibuka, Roger Lobota, Manu Samela, Peter Khan, la meilleure de Roger Manu, Rachel Molifa, Jipe Kaoundou, Jean-Makila Chamundu, N. Botens, Mav Mavinga, Patrick Makoda, Sylvain Chitefu, Jobo Fassa, Adji Moutou, Tonton Douami, Bruno Makubungu, André Ntela, Adonis Lekalengu. Joseph Bangassia, nouvelle énergie. Boss Sekemwadi et Doc Stieka. Mon colonel Kess. Le docteur Jimmy Kabongo. Docteur Joseph Komolo. Médecin Nestor Kabamba. Guilhem Beya de partout. Danny Boy. Eli Mananga. Jipe Kiss. L'ingénieur de son. Jacques Chibouaboua, Pino Sebi Deja, Paul, des établissements Niaï, Maître Philippe Fekele, Yot Komira. Fote Kosa la Yanani, Sonda Basse, Fote Kosa la Yanani, Sege Mignon, Fote Kosa la Yanani, Prof Kibeste, Maman Gawali Mobutu, la préférée du maréchal. Le Kianene, le roi Zingankou, Dengi Maya, Hugues et Paulin la coiffe, campagne, Aimé Likulia, honorable Claudia Likulia, Atoumba, Suke Mumba, Fote Kosa la Yanani, Vie Mario, Lurero, Yayamoto, Tonton Chimbalanga. Serge Chimbalanga, honorable Francis Kalombo Solution, Lilo Riyadi, Vieni Kofritas, Fotek.